Chapitre 9e. Ne demandez jamais comment, en aucune circonstance. Quand vous utilisez le mot « comment », vous voulez en fait trouver un guide, un système, quelqu'un qui vous mène par la main et vous fasse ainsi perdre votre liberté. Jiddu Krishnamurti. L'émotion que je ressentis à la vue de ces deux mots fut si fulgurante que j'en garde en moi la vivante empreinte. Elle m'accompagne encore, aussi vivement que tous les souvenirs que j'ai pu recueillir au cours de mes voyages. Ce fut une main sur mon épaule qui me rappela la réalité. Le moment n'était pas aux atermoiements, ni aux spéculations intérieures. Je sentais mon énergie faiblir et devenir instable. Le roi Imrold se tenait derrière moi. Son rayonnement, comme toujours, créait une légère luminescence autour de lui. Il me regarda gravement et se contenta de dire « Prenez le temps ». Prendre le temps est l'une de ces expressions si difficiles à traduire pour la pensée des habitants du Mania, particulièrement organisés autour du temps. En elfini, cela veut dire en quelque sorte que le temps intérieur est le plus important à ce moment-là. La vibration de l'instant présent est prépondérante sur toute autre notion. Délicatement, le roi Imrold m'offrait un choix. J'eus l'heureuse intuition, ou la clairvoyance sage, me dit plus tard mon ami Ixel, de percevoir que continuer la quête avec mes compagnons sans tenter de comprendre était pour moi et pour nos peuples la chose la plus importante. La conscience soudaine de ce choix allégea mon cœur, et mon optimisme naturel reprit le dessus. Le sourire que j'affichais devait refléter ma nouvelle sérénité. Le roi hocha la tête, mit un genou à terre à côté du coffre, et passant la main gauche au-dessus, murmura quelques incantations. Soudainement, il demanda « Voulez-vous partager cela avec vos amis elfes ?» Il désignait le contenu du coffre. « Bien sûr. » Il dut percevoir que je ne comprenais pas bien le sens de sa question, et il insista. « Ce coffre vous appartient. Tout ce qu'il contient est vôtre. »« Ce coffre est en terre elfique. Pourquoi serait-il ?» Je ne terminais pas ma phrase en pensant aux deux mots inscrits sur la dague. Surtout, ne pas chercher à comprendre. La quête présente était la réalité la plus importante. Je me contentais de répondre en faisant un signe affirmatif. « Comment partager ce coffre et ce qui m'appartient ?» Lentement, le grand roi prit ma main gauche et la disposa sur le dessus du coffre toujours ouvert. Puis, légèrement en retrait derrière moi, il posa sa main sur mon épaule droite pendant quelques secondes. D'un geste souple, il se releva après seulement quelques instants. Je le regardais étonné. Il sourit légèrement, de ce sourire moqueur qu'il a parfois devant mon étonnement pour un détail que tous les elfes considèrent banal ou élémentaire. Je murmurai un peu désappointé. « C'est tout ?»« Cela suffit à Imrold, » déclara le roi en souriant franchement, puis, comme pour me prouver la chose, il souleva le coffre qui ne semblait peser que quelques poignées de grammes, et se dirigea vers la sortie en m'incitant silencieusement à le suivre. Une fois dans la réserve, le mur qui protégeait la petite pièce dans laquelle avait été gardé le coffre se reforma lentement sous nos yeux. Les deux oiseaux aux yeux de grenat cessèrent de danser et se figèrent dans leur attitude hiératique et majestueuse. Leurs regards semblaient suivre le moindre de nos mouvements, ou peut-être n'était-ce que le reflet de leurs yeux de pierre qui flamboyaient dans la semi-pénombre. Étrangement, mon épaule me faisait moins souffrir maintenant que j'étais hors de l'habitacle réduit, mais je fus soulagé de me retrouver dans la grande salle voûtée qui m'apparaissait désormais familière et accueillante. Dès notre retour dans la salle à la voûte scintillante, l'un des sages apporta un étrange flacon au roi. C'était une mince fiole, haute de quelques pouces, taillée dans un jade magnifique, de cette étrange couleur de lavande claire que je n'ai vue qu'en elfini. Le roi, d'un geste lent, versa lui-même le contenu dans un minuscule gobelet de vermeil qu'il portait toujours accroché à la ceinture, comme tous les elfes de haut rang. Il le but lentement, et je remarquai son air pensif. Il gardait le gobelet un instant dans ses deux mains jointes. Son regard sembla errer au loin un instant. « Il cherche l'océan, » pensai-je aussitôt. Mais Ilgur, s'approchant de moi, me susurra d'une voix pleine de crainte respectueuse. « Le grand roi a combattu deux dragons aujourd'hui. » Et faisant un geste avec ses deux doigts tendus devant son nez, signe chez lui de grande agitation, il répéta « deux ». Un peu plus tard, après un repos bienfaisant de quelques heures, un sage vint me chercher et me conduisit auprès des compagnons déjà présents autour du roi. Lorsque j'arrivai, je ne pus m'empêcher de lever la tête vers l'immense voûte. Les trois points lumineux brillaient encore. Dans la grande salle trônait le coffre au centre de la grande table. C'est en le refermant précautionneusement quelques heures auparavant que le roi avait enjoint chacun, et moi en particulier, à prendre un moment de repos. Durant ces dernières heures, j'avais ressassé la révélation d'Ilfgur à propos du combat avec deux dragons. Je repensais sans cesse à l'absence du grand roi lorsque je tentais d'ouvrir le coffre. Puis je me rappelais ces feulements grondants, accompagnés de frôlements hargneux, vite étouffés que j'avais entendus si clairement. Je sentais encore en moi le murmure bienfaisant, juste avant que j'ouvre le coffre. « Le temps n'existe plus. » Je me tournai vers le roi Imrold. Il était assis près de Ulgar. Une large pierre d'andrite bleu pâle dans les mains, il discutait avec calme, et sa placidité coutumière semblait être revenue. Pourquoi dis-je cela à présent? Le roi Imrold n'avait jamais quitté son air absolument calme et absolument placide. Pourquoi mon souvenir tout d'un coup cherche-t-il autre chose? À mon approche, le roi se leva et sans lâcher la pierre qu'il tenait dans sa main gauche, il s'avança vers moi. Ainsi vous avez combattu le dragon? Mon ton n'était pas particulièrement interrogatif, mais plutôt parcimonieux, comme disent mes amis elfes. Il ne répondit pas et se contenta de s'arrêter et de me regarder attentivement. « Vous avez combattu deux dragons? Et ce, en même temps, en plus, je suppose? » Dinmour, qui venait de nous rejoindre, fit mine de s'avancer. Ilfgur retenait visiblement sa respiration. Le grand roi, d'un geste, arrêta Dinmour, puis foudroya Ilfgur du regard. Je réalisais soudain que j'étais devant le grand roi Imrold, de la lignée des rois Atlantes, descendant de Imrold le Preux. Je fermai un instant les yeux et lançai lamentablement un trait protocolaire et affligeant. « Oh, grand roi !» Mais je ne trouvais rien à dire de plus. Le roi, comme très souvent lorsqu'il s'agit de mes incartades, se contenta de soupirer imperceptiblement et déclara le plus aimablement du monde. Prendons-nous le temps aujourd'hui de découvrir ce qui vous appartient? Cela n'était pas une question, mais plutôt un de ces contournements de situation si coutumiers en Elfinie. Je m'inclinai très solennellement, répondis en saluant le plus adroitement possible d'un oui, subtilement précieux et un rien affecté. J'ajoutai précipitamment le protocolaire « Ô noble roi !» qui sembla détendre tout le monde jusqu'au pointilleux Savrine. Le roi me fit signe d'ouvrir le coffre qui, d'une simple imposition des mains, s'entrebâilla lentement, en grinçant et geignant péniblement. J'eus un sursaut en revoyant la dague et qui brillait comme animée d'une vie propre. Une douleur à la hanche gauche me fit frémir comme une vieille blessure. La voix de Tully retentit en moi. Auras-tu le courage de la prendre? Mon regard se figea un instant. Cela suffit à mes compagnons pour comprendre. Le roi Imrold fit un pas vers moi. Mais, avec une sérénité que je ne savais pas posséder avant d'ouvrir ce coffre, je l'arrêtai d'un geste. Je dis, en assurant ma voix frémissante alors que mon cœur semblait prêt d'éclater. Je suis l'Elgara, et ceci m'appartient, pour le bien des elfes et des humains. La douleur s'apaisa lentement comme à regret. Je pris la dague, elle était chaude, empreinte sans nul doute d'une magie particulière. Sur le fond de la malle, une large pièce de tissu d'un bleu pastel, merveilleusement conservé, était posée, sagement pliée. Le fin lainage, un long surcot, était marqué lui aussi de la croix occitane sur l'un des côtés. Sur l'autre, l'or d'armoiries anciennes étincelait comme animé d'une nouvelle vie. Sur le fond rouge du blason se détachait la légendaire croix pâtée d'or, couronnée d'or à 6 perles, et accostée à droite d'un dragon d'argent, à gauche d'une épée haute d'argent garnie d'or. Je ne sais pas combien de temps je restais là, immobile. Tout d'un coup, je pris conscience que le coffre contenait sans doute des documents plus éclairants que ce sombre tabard et cette arme. En effet, 2 coffrets étaient rangés côte à côte sous le vêtement. L'un, le plus petit, était clairement un coffre elfique. Un léger soupir sembla vibrer dans l'air lorsque mes compagnons découvrirent le coffret. « L'élixir, ce sera Dinmour. » « Serait-ce, commença Ilfgur, mais il ne finit pas la phrase. Savrine lui ordonna silencieusement de se taire. Le roi s'avança et passant sa main sur le coffret, affirma. « L'humaine fée a bu la fleur d'Arne encore. Elle n'en aura pas besoin. » Puis il m'expliqua. « Ceci est l'élixir qui permettait à votre... » Il hésita imperceptiblement. « À ce chevalier, de se rendre dans notre dimension sans risquer sa vie. Il peut être bénéfique pour d'autres humains. Acceptez de me le confier pour que les sages l'examinent et confirment cela. » Je pris le coffret et, sans même l'ouvrir, le tendis au roi qui sembla surpris. Je dis en me moquant de moi-même, « J'aurais pu épargner à mes amis elfes bien des soucis si je n'avais pas bu la fleur d'Arne encore cette nuit-là, mais je ne pouvais pas savoir que cet élixir existait. » « Vous n'auriez pu le découvrir sans la fleur d'Arne encore, noble fée, soyez-en certaine, » affirma le roi Imrold en s'inclinant légèrement. L'attention de notre petite compagnie se reporta rapidement sur la malle. L'autre coffret, plus imposant et massif, avait un caractère trop rustique pour être elfique. De bois très sombre et dur, il était renforcé aux angles et sur le pourtour d'un garnissage de cuivre passablement abîmé. La cassette devait mesurer un peu moins de 1 pied de long sur 2 de large et pas plus de 5 pouces de hauteur. Elle faisait piètre figure auprès de l'œuvre minuscule et pourtant magnifiquement sculptée qui contenait la mystérieuse fiole. Étrangement, il n'y avait pas de serrure, et le couvercle s'ouvrit avec un très léger grincement lorsque je le soulevai légèrement. La subite exclamation de Ylfgur me fit sursauter et ce fut au tour de Dinmour de le sermonner silencieusement. Le coffret était rempli de pierres précieuses, amassées dans des bourses de cuir. Certaines pierres étaient grosses comme des œufs de pigeon. Deux bourses plus petites contenaient des pièces d'or et d'argent. Je reconnus certains deniers frappés de la croix occitane portant le nom de Raymond, comte de Toulouse. Laissant de côté le contenu précieux, je me contentai de prendre un denier d'argent dans ma main. Il était froid, inerte. Pourtant, il sembla, un instant fugitif, déverser en moi tout un monde, son ancien monde. Je le déposai doucement près de la dague et du surcot et sans plus me préoccuper du trésor, comme le nommait déjà Ylfgur, que j'avais déposé sur la table près de la cassette, je me retournai. Je regardai tour à tour le coffre vide et le cercle amical qui m'entourait. Un involontaire soupir m'échappa. C'est tout ? Comment tout ? Voici un trésor considérable, même pour un elfe, et tout autant colossal pour un nain des roches bleues, insista avec vigueur Ylfgur. Non, j'insistai. Non, si c'est lui, il ne m'a pas laissé ça, seulement ça. Et je désignai le fameux trésor. Le roi Imrold eut un de ces sourires légers qui semblent toujours lui illuminer les yeux. Il affichait une gaieté moqueuse bien loin de son calme caustique et austère. Tout d'un coup, il s'avança, me sourit d'un air espiègle que je ne lui avais jamais vu, et me poussa légèrement vers la droite. Il se plaça devant le coffre, grand ouvert, et avec précision et délicatesse, il posa son poing gauche fermé dans un léger renfoncement de la paroi de droite, se servant de son anneau d'or comme d'une clé. Il tourna à peine le poignet et on entendit un très léger cliquetis, comme les pattes d'un insecte sur une vitre. Il retira sa main, et de la même façon, l'enserra dans un autre renfoncement. Dans le silence absolu qui s'était installé soudain, on entendit très distinctement un mécanisme si subtil et si bien orchestré qu'on n'aurait pu croire un chant de quelque oiseau d'un pays lointain aux vocalises mystérieuses et étranges. Lentement, le fond du couvercle s'écarta et révéla un compartiment. Dans celui-ci se trouvait un épais carnet de cuir clos par de fins lacets débordant de parchemins et de documents. À côté, reposait un sceau en argent estampillé du dragon et de l'épée encerclant tous deux la croix pâtée. Sous le carnet se cachait un mince écrin, admirablement ouvragé. Il contenait un nécessaire à écrire de nacre et de bois fin encore odorant. Enveloppé d'une éclatante soie safranée, l'épais livre manuscrit attira mon regard. Sur la couverture de vélin blanchâtre, une main avait tracé en lettres latines « De aspectibus lanzeni arabis ». Le roi Imrold me désigna les parchemins et le livre. « Est-ce là le trésor que vous attendiez, Vindarfarfa ? Ne valait-il pas un combat avec deux dragons ?»